They say that things just cannot grow beneath the winter snow. So what have j'ai du mal avec le sommeil, du mal à me confier quand la peine monte. Je vois le temps qui passe en attendant mon miroir, pas sur une belle montre. J'ai besoin de vacances, y'a que le sommeil qui peut me faire kilo sun. Tous nos rêves dépendent du bénéfice qu'on fait avec un kilo de seum. J'ai mal à la neige qui tombe à travers les carreaux craquent. Les gagarons craquent, le ciel sera là pourvu que les garros crament. Souffrance indélébile, y'a des blessures qui partent pas. Tout seul sur la banquise, j'attends que le passé me rende mon papa. Mon cœur a froid pour le réchauffer, j'ai pas besoin de ce shit. Paris partage ma peine quand chaque hiver la tour Eiffel se givre. Au sommet de la tristesse, c'est l'espérance qui manque d'air. Juste besoin qu'on m'aime avant que les neiges éternellement enterrent. Écrire ça m'aide pas, c'est juste un moyen d'expression. Ça fera le troisième hiver qu'aucun stylo combat ma dépression. Ma foi s'envole et prive ma bonne étoile de scintillement. Prier protège du mal, mais ça nous protège pas des sentiments. Vers l'horizon, mon présent vit, tandis que mon passé crève. C'est la guerre depuis le jour où l'espoir et la peine m'ont passé le glaive. Je crois en mes rêves, je sais même pas de quoi ça quitte l'équation. Aucune étoile m'éclaire, comprends pourquoi ça kiffe les coins sombres. Je gratte pas, j'attends que le CD sorte et je fonce ailleurs. Nos rêves sont morts, marqués, passé ma vie à jouer les fossoyeurs. Les gens parlent, le temps passe et les pommettes se froncent. Y'a qu'une parole, mais celle des autres s'égare dans les promesses de l'ombre. Moi j'oublie rien, les souvenirs meurent et j'essaie de comprendre. Trop de cicatrices ouvertes, illégitimes d'un excès de confiance. Je lutte contre la rage, y'a la jalousie qui me croque à un point quand je vois le bonheur d'échanger les yeux qui me frottent. Y'a le fond, la forme, ici les sons de merde dont les clips passent. Soutenu par DVS, mes sons braqueurs, Kaizo et X-Bar. J'ai pas pris le bon chemin, j'ai mal quand je me remémore. Tous les chemins mènent à Rome, l'espoir fait vivre, moi je sais que Rome est morte. They say that things just can't.